Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Alors aujourd'hui, nous allons parler du flop cruise du pire boomer. Flop cruise. Alors Paulin, qu'est-ce que c'est pour toi les pires boomers? Déjà, qu'est-ce que c'est les boomers? Qu'est-ce que c'est le boomer? Alors bon, je ne suis pas expert en boomer, hein, mais a priori le boomer c'est le mec qui est vraiment un peu en décalage, qui veut tout le temps, on va dire qu'il va tout le temps la ramener. Pour parler de l'ancien temps, pour parler qui est plus du tout en raccord avec son époque. Oui, qui du coup, c'est un peu un vieux schnock, quoi. C'est un peu un âgé qui arrive pas trop à s'adapter. C'est ça, qui s'adapte pas, mais qui va quand même donner des leçons. Hein. On est d'accord. Okay. Tu vois, cette notion un peu de je vais t'apprendre la vie alors qu'en vrai ça va quoi. Ok, boomer. Top 3. Je commence par, a priori, souvent un boomer, c'est les parents, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est les parents ou les grands-parents. De notre génération. Enfin, après, nous, on doit être les boomers de gens de la génération d'après. Tu vois, c'est normal. On est toujours le boomer de quelqu'un. Je crois que les boomers, c'est une génération. Après, spécifique. Les boomers, techniquement, oui, c'est les 68ards, quoi. C'est les gens des années 60. Bon, voilà. Ouais. Bref. Mais en tout cas, t'as souvent le parent, c'est le boomer, quoi. OK. Top 3, numéro 3, c'est le personnage de Ray Ferrier. Référir dans la guerre des mondes. Le père, parce qu'en fait, clairement, tu sens que c'est le mec, il comprend pas ses gamins. Il leur parle pas, il sait pas leur parler. Il est en décalage et que, voilà, il y a un gros décalage de génération. Donc, il y a un peu ce côté boomer. En plus, c'est un peu un vieux con. Donc, voilà. Bon, c'était le premier personnage un peu boomer de la carrière de Tom Cruise. Numéro 2. Vas-y. Un peu pareil, boomer. Alors, est-ce que c'est lui le plus boomer ou est-ce que c'est son collègue? C'est dans Cocktail. Bon, c'est des mecs, en fait, clairement. Peut-être dans les années 80, c'était les champions, c'était les kings du parking. Tu les mets maintenant, tu mets les mêmes mecs, c'est des pires boomers du monde. Ils la ramènent pour tout. Ils vont faire des poèmes éclatés pour tout le monde. Et ils vont donner des leçons alors qu'ils sont racistes, sexistes. c'est les pires gars du monde. Mais ils vont la ramener et puis ils ont l'impression que le monde est à leurs pieds. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est vrai que si boomer, ces deux personnages. Ils étaient vieux aujourd'hui, c'est les pires gars. Ouais. C'est horrible. Bon, il y en a un des deux qui est mort, hein, spoiler, donc il sera pas là. Mais c'est sûr, eux, c'est les pires, quoi. T'as raison. Voilà. Et numéro 1, top 1, du pire boomer, c'est Jack Reacher, parce qu'en fait, Jack Reacher, il est pas du tout adapté à la société moderne. C'est un vieux facho qui va toujours rouler des mécaniques, etc. Alors des fois, il se fait embarrer, mais globalement, ça reste un vieux... Bon, après, c'est l'image aussi, c'est le personnage, il est écrit comme ça, quoi. C'est un vieux macho. Et vraiment, il est pas adapté. Il est pas du tout fait pour la société moderne, donc c'est typiquement le mec qui peut te sortir des réflexions de boomer toutes les deux secondes, quoi. En plus, il va la ramener parce que c'est Jack Reacher, quoi. Mais voilà, après, avec toute la tendresse qu'on a pour ces films, hein, moi absolument, j'adore ces films là mais le personnage et encore la prestation de Tom Cruise doit un peu atténuer. Dans les bouquins, je pense que c'est encore pire que tout. Oui c'est vrai, t'as raison. Voilà, je sais. Qui l'aurait dit, Jack Reacher en premier? Jack Reacher qui gagne un flop cruise, quoi. C'est fou, ça, hein. C'est ouf. Bon, merci Paulin, avec plaisir, à demain. À demain.